Vous écoutez la Minute Conseil Gamme Vert. Vous cherchez le cadeau de Noël qui fera plaisir à coup sûr ? Les experts Gamme Vert vous conseillent d'offrir de délicieux produits du terroir. En plus, jusqu'au 10 décembre chez Gamme Vert, le panier gourmand est à 19,95€. 19,95€ seulement. Gamme Vert, l'autoproduction et l'avenir. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. C'est sans conteste un des événements de l'année. Une exposition sur l'art et la préhistoire au Musée de l'Homme, les toutes premières images de l'humanité. On nous le dit sans détour, l'art préhistorique n'a jamais été aussi contemporain. Soit, pour autant, que dire des intentions des artistes comme de l'irruption soudaine d'images il y a plus de 40 000 ans. Pour en savoir plus, pour cheminer entre les merveilles, pièces originales exposées pour l'occasion, y croiser la Vénus de l'Espugue en majesté, mais aussi des chefs-d'œuvre de Logerie Basse ou du Rocher de l'Impératrice, des grottes d'Istüritz dans l'Aisne, de la Marche comme du Mas d'Asile, j'ai rencontré les deux commissaires de l'exposition, incontournables spécialistes de cet art des origines, Patrick Payet et Éric Robert, maîtres de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle. Patrick Payet, ma question sera directe, peut-être un peu tranchante. Qu'est-ce que l'art préhistorique ? D'abord, il n'y a pas d'art préhistorique, il y a des arts de la préhistoire. C'est déjà une première chose. L'art préhistorique, les arts de la préhistoire, sont des manifestations graphiques, plastiques, qui inondent de par le monde tous les types de supports depuis au moins 45 000 ans, peut-être plus. C'est donc un phénomène tout à fait normal, je dirais quelque part, de ces conceptions, de ces fabrications, de ces élaborations d'images de par le monde à partir de Sapiens. Finalement, quand Sapiens peuple petit à petit les différents continents, il va imprégner sa présence dans la nature, sur les objets, et cette présence, il l'imprègne au travers d'images tirées de la nature, de son environnement et de son propre imaginaire. Quand vous dites Sapiens, c'est Sapiens, Cro-Magnon, ou ça pourrait être Néandertal ? Alors, jusqu'à présent, évidemment, nous sommes plus enclins à imaginer ces productions artistiques de la main de Sapiens, plutôt que de celle de Néandertal, même si Néandertal n'est pas tout à fait en reste, puisqu'on lui a attribué un certain nombre de pratiques graphiques, à défaut d'être véritablement artistiques. Néandertal façonne des parures, Néandertal incise des ossements, Néandertal grave également des parois de grottes, comme en Espagne du Sud. Mais Néandertal reste un cas un peu exceptionnel, probablement tardif du point de vue chronologique. Ce sont surtout les derniers Néandertaliens qui manifestent cet intérêt pour les choses des symboles, pour les manifestent ces comportements symboliques. Mais ce sont essentiellement évidemment les Sapiens, qui sont les auteurs de ces images. Éric Robert, les images de la préhistoire tirent leurs origines, bien sûr, de la nature. À l'évidence, l'ambition des artistes n'est pas pour autant que seulement de copier cette nature. Non, ces arts de la préhistoire, ils sont non pas une copie de cette nature et de cet environnement, en revanche, ils sont une inspiration directe. On y retrouve principalement et notamment les animaux, ceux qui sont présents dans leur environnement, une sélection de ces animaux, et essentiellement ça. En revanche, on ne va pas retrouver bien évidemment des représentations de ces paysages, mais ces arts, ils sont aussi inscrits dans leurs paysages et inscrits dans leurs environnements. Qu'il s'agisse des grottes, des abris, des parois de plein air, eh bien, toutes ces figures, ces représentations, ces peintures, ces gravures, elles prennent corps et elles prennent sens sur des parois, sur des roches, dans ces contextes et dans ces paysages. Et en son sens, ils sont pleinement une composante de chacun de ces environnements. Cela fait du coup de l'art préhistorique, j'aurais pas dit l'art préhistorique, j'aurais dit l'art de la préhistoire, quelque chose de très particulier par rapport à l'histoire de l'art. C'est quelque chose de très singulier à plus d'un titre, parce que d'abord toutes ces images, elles sont extrêmement évocatrices pour nous. À la fois, elles nous parlent, elles nous sensibilisent, et en même temps, on ne sait pas le sens, l'essence, les fonctions qu'il y a de cachées derrière. Et puis, c'est précisément, effectivement, l'inscription dans ces contextes tout à fait singuliers, exceptionnels, divers, qu'il s'agisse de couloirs étroits, de petites galeries, parfois de chatières, dans lesquelles on peut difficilement se glisser au fond des grottes, ou au contraire, de falaises majestueuses de plusieurs dizaines de mètres de haut, qui se voient dans le paysage à des kilomètres autour, et où les représentations vont pleinement s'inscrire, parler et être exposées au plus grand nombre. Il y a des réalités multiples, superbes, incroyables, et qui font de ces arts, de ces représentations, quelque chose de tout à fait singulier par rapport à tout ce que l'on peut connaître dans des contextes plus récents. Patrick Payet, si l'art ne représente pas la nature, il nous faut dans ces cas-là réfléchir à l'imaginaire des artistes, l'imaginaire des hommes préhistoriques, des préhistoriques. L'imaginaire de Sapiens est un imaginaire sans fin et sans limite et sans frontières. Les artistes préhistoriques s'inspirent effectivement de la nature, mais ne copient pas la nature, ils la recréent. Et dans ce processus finalement de recréation des formes, est petit à petit instillé quelque part des concepts, je dirais plus abstraits d'une certaine manière, qui révèlent, si vous voulez, les linéaments, qui révèlent tout le cœur de l'imaginaire de ces sociétés préhistoriques, de ces groupes préhistoriques, de ces artistes de la préhistoire, imaginaire qui part dans toutes les directions, qui peut se composer à partir de la réalité, c'est-à-dire cristalliser autour d'une représentation un élément tiré d'un animal, un élément tiré d'un humain, etc., et recomposer une image complètement fantastique, quelque part composite, ou bien tout simplement recréer cette fois-ci une pensée, ou tout du moins matérialiser une pensée des récits au travers de symboles complètement géométriques dont l'origine est exclusivement tiré de l'imaginaire, des conceptions, des idées de ces préhistoriques. Les femmes magdaléniennes, par exemple, extrêmement stylisées. Les femmes magdaléniennes appartiennent effectivement à ce répertoire des représentations figuratives totalement géométrisées quelque part, qui ont été totalement rabotées, dont les détails superflus ont été effacés, négligés, la tête, les bras, etc., pour ne conserver qu'une idée de la femme qui était là pour le coup aux magdaléniens centralisée sur le massif fessier, le reste étant complètement jugé subsidiaire. Alors commençons, Éric Robert, avec bien sûr l'art mobilier, les petits, ce qu'on pourrait appeler les petits objets. Nous voici dans le quotidien des hommes et des femmes, du moins pour une partie. Une partie, en effet. Ces objets, justement, effectivement, souvent petits, mais pas tous. On le voit à travers les différentes vitrines. Il y a finalement des toutes petites statuettes, parfois très étonnantes, à peine 1 ou 2 centimètres de haut. Et puis, au contraire, des bâtons percés ou des propulseurs, cette fois beaucoup plus majestueux. Et ces derniers, justement, sont des objets aussi du quotidien, parce que ce ne sont pas, entre guillemets, que des objets d'art. Ce sont aussi des outils, des armes, des objets qui leur servaient au quotidien pour la chasse, pour travailler les peaux, pour fabriquer un certain nombre d'outils, pour finalement autant d'actions qui relèvent autant de l'artisanat que de l'art. Et ça, on le voit à travers certains de ces objets qui sont pas uniquement exceptionnels ou uniques, mais qui sont parfois fabriqués, j'allais dire, presque en série. Et donc, c'est un regard ou un aperçu au-delà de l'imaginaire, aussi du quotidien et quelque part du fonctionnement social de ces groupes. Alors, vous avez utilisé deux mots, bâton percé, propulseur, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit aussi bien d'outils que d'armes. Le propulseur, ça va être cette arme inventée il y a à peu près 20 000 ans qui va servir à la chasse et qui va servir à propulser des sagaies de manière extrêmement efficace pour aller atteindre ses cibles avec à la fois plus de distance, plus de sécurité et une très grande efficacité dans la chasse des différents animaux, notamment des rennes. Et ces propulseurs, certains d'entre eux sont sculptés, gravés de façon tout à fait exceptionnelle avec des bouquetins, eux-mêmes parfois d'ailleurs affrontés, avec des chevaux montrés avec une dynamique remarquable. Donc il y a cette dimension de la chasse qui est présente à travers ces objets et dans la représentation. Et puis les bâtons percés, c'est ce qu'on appelait les bâtons de commandement avant, dans la littérature du 19e. Alors on leur a donné beaucoup de noms à ces bâtons percés, ils ont fait couler beaucoup d'encre et là aussi fait travailler l'imaginaire pour le coup des préhistoriens plus que des préhistoriques. Ces bâtons percés en fait avec cette large perforation qui sert souvent d'ailleurs à composer une partie du décor. On leur a prêté quantité de fonctions, on les voit de manière cette fois plus pragmatique comme des objets, comme des outils ayant pu servir soit à redresser dresser des sagaies ou à aménager, à tordre un certain nombre de ligatures, à favoriser des attaches aussi. Ça fait partie des dizaines d'interprétations qui ont été proposées. Alors il faut bien sûr prendre un exemple, et un très bel exemple que vous présentez, c'est le fameux propulseur du Madasil découvert par Marthe et Saint-Just Pécard dans les années 30. Alors ce propulseur, il est tout à fait remarquable, il est exceptionnel, parce qu'on a ce faon, voilà, qui a sa tête qui se retourne vers ses oiseaux perchés sur son arrière-train. Alors la scène déjà, elle est assez étonnante, mais en plus, ce qui est remarquable, c'est qu'on présente ici celui du Mas d'Asile, et à quelques dizaines de kilomètres, toujours en Ariège, dans la grotte de Bédéac, on va retrouver son frère jumeau. Alors il n'est pas complet, celui-là malheureusement, il a été retrouvé fragmenté, mais on a exactement la même composition, la même scène, jusqu'à un tout petit détail, l'œil du faon, qui a été fait par un petit creusement et lequel était manifestement destiné à recevoir une toute petite pierre colorée et qu'on retrouve sur ces deux objets. Alors évidemment, on se pose la question, s'agit-il du même artiste, du même créateur ? On ne pourra jamais en être totalement certain, mais une telle proximité dans des contextes voisins géographiquement et chronologiquement, forcément ça interpelle. Les humains sont en général très originaux, des sortes d'identités mouvantes, ayant subi une sorte de métamorphose, Patrick Payet ? Oui, effectivement, la représentation humaine tranche assez radicalement avec les représentations animales. L'exposition Art et Préhistoire débute par l'humain, précisément, d'une manière un peu originale. On aurait dû débuter quantitativement par les animaux. Les humains sont effectivement plus rares dans l'iconographie et ils sont surtout, globalement, pas systématiquement, mais assez souvent transformés. Ils sont animalisés, bestialisés, bien souvent. Les têtes présentent des prognatismes particuliers qui ne répondent pas du tout, évidemment, aux critères anatomiques d'Homo sapiens. Les corps sont parfois un tout petit peu torturés, mais surtout, ces humains sont souvent fragmentés. Ils sont rarement représentés complets, excepté peut-être le corpus des représentations féminines gravétiennes, des fameuses Vénus, mais ces corps sont souvent fragmentés, et ils sont fragmentés à tel point que le point focal va se localiser sur le sexe. Et nous disposons dans nos corpus de représentations humaines dites sexuelles beaucoup plus de sexe que de figures humaines complètes. Alors, il faut parler bien sûr de la Vénus de Lespugue, celle qui est bien sûr présentée en majesté dans l'exposition, qui est conservée au Musée de l'Homme et que vous avez restaurée. Oui, donc la Vénus de Lespugue est effectivement l'original, puisque l'exposition Art et Préhistoire ne présente que des objets originaux, pas loin d'une centaine. Et la Vénus de Lespugue, façonnée dans l'ivoire de mammouth, est ici présentée d'une façon originale. Elle est couchée, tout simplement couchée, peut-être, probablement, comme elle a été découverte en 1922, il y a donc 100 ans maintenant. Elle est représentée couchée parce que, eh bien, il se trouve que les soclages verticaux, la présentant de manière verticale, ont pour effet secondaire, malheureusement, de la fragiliser, de risquer de la dégrader. Donc les restauratrices qui ont travaillé à la dérestauration, pas la restauration, la vraie dérestauration de cet objet, qui avait été consolidé et recollé en quelque sorte il y a 100 ans quasiment, a été entièrement dérestaurée, les cols ont été enlevés, etc. Et elle est aujourd'hui lascivement allongée dans une sorte de soclage tout à fait original qui reprend sa forme générale, mais qui lui donne une autre vie, une vie différente, et elle exhibe toujours ses formes tout à fait fantastiques qui ont fait jaser dans le monde de la préhistoire et ailleurs. Vous présentez d'autres Vénus gravétiennes de la sorte ? Quelques Vénus gravétiennes, effectivement, quelques Vénus gravétiennes, mais aussi des Vénus magdaléniennes, puisque ce sont ces deux univers, en fait, à un peu plus de 10 000 ans d'écart, qui vont être ici proposés, notamment les très très belles Vénus noires des collections du MAN, voilà, ces Vénus de Grimaldi, qui sont avec des formes et des volumes tout à fait étonnants, et selon des canons, et c'est un des aspects remarquables de cette statuaire gravétienne, que l'on retrouve du sud-ouest de la France, de nos Pyrénées, avec Patrick, parce qu'on est deux Pyrénéens, jusque dans les plaines de l'Oural, il y a un peu plus de 25 000 ans. Et ça, c'est un des phénomènes tout à fait étonnants qui est ici illustré avec quelques-unes de ces fabuleuses statuettes. Donc les idées circulaient ? Oui, manifestement, elles circulaient largement. C'était des concepts formels tout à fait, non seulement originaux, mais qui ont rencontré un véritable succès. Les Vénus gravétiennes ont inondé l'Eurasie, véritablement, sur plusieurs milliers de kilomètres. Et les petites figurines féminines schématiques du Magdalénien ont également suivi le même parcours, ou presque le même parcours. Elles ont inondé les supports en ivoire, en pierre, etc., en Europe occidentale, mais également notamment en Europe centrale et orientale. Elles ont inondé aussi d'autres types de supports, des blocs, etc. Et elles se sont retrouvées également sur des parois de grottes. C'est vous dire que ces concepts formels avaient un vrai succès européen, tout du moins à l'échelle européenne. On aurait seulement une trentaine de Vénus gravétiennes en France. C'est très peu pour finir. C'est très peu, effectivement. Elles ont pour la plupart été découvertes par le passé, au 19e siècle, au début du 20e siècle. Mais le corpus est en train de prendre petit à petit, de s'étoffer, grâce notamment au site de Renancourt, dans les faubourgs d'Amiens, qui est un site absolument exceptionnel, gravétien, qui est un lieu de production, véritablement, d'objets en série. Et une thèse et des travaux ont actuellement lieu sur ce site et une thèse y est consacrée et déjà plusieurs représentations féminines ont été, plusieurs ronds de bosse ont été découvertes, d'autres sont en train d'être remontées avec tous les petits déchets de craie qui sont trouvés sur le site. Donc un effectif certes peu important, une centaine pour toute l'Europe, mais un effectif qui pourrait s'agrandir peu à peu et grâce à ces nouveaux travaux, ces nouvelles découvertes. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Éric Robert, vous présentez une sorte de petite Vénus tout en longueur, avec deux petites jambes. J'imagine qu'elle est bien plus tardive, elle devrait dater des années 15 000, grosso modo ce qu'on appelle le Magdalénien. Oui, cette très belle Vénus du site de Laugerie Basse en Dordogne, celle qui a été qualifiée d'impudique à l'occasion de sa découverte en 1863. Hein, c'est aussi l'un des premiers objets découverts, hein, du coup l'un des objets marquants pour l'histoire de notre discipline, hein, tout à fait exceptionnel. Et elle est très singulière, cette petite Vénus, parce qu'elle est très stylisée. Elle est en même temps dans cet horizon des Vénus magdaléniennes qui sont au 10 000 ans plus jeunes hein, que leur cousine du Gravétien. Eh bien, elle reste finalement plus complète et presque plus détaillée, avec ces deux jambes, d'abord vues de face, ce sexe aussi, hein, on y revient à nouveau, accentué, marqué, tracé, et puis cette grande finesse, toujours dans de l'ivoire, présentée ici à côté d'autres qui sont beaucoup plus stylisées et qui se retrouvent de profil, comme celle de Knist. Patrick Payet, vous nous avez parlé de style, que tout ça a été très très standardisé, mais il y a une sorte de cas très particulier, avec plein de représentations humaines. Je pense bien sûr à la grotte de la Marche à Lussac, le château donc dans le Poitou. Oui, la grotte de la Marche constitue une sorte d'unicum, ou presque, hein, pour l'art sur plaquette gravée, au moins pour ces phases du Magdalénien, on va dire Magdalénien moyen, autour de 17 000 ans, effectivement, c'est à peu près les dates calibrées. C'est une grotte dans laquelle les premières fouilles, notamment dans les années 30-40, ont livré quelques milliers de plaquettes, fragments de plaquettes, de blocs, couverts de palimpsestes, de gravures animales, parfois géométriques, parfois totalement illisibles, et puis probablement une bonne centaine de représentations humaines, hein, de visages, de corps humains, etc. Certains plutôt complets, d'autres réduits à la tête. Nous présentons ici dans l'exposition Art et Préhistoire l'une de ces plaquettes représentant un visage qui est plutôt même lisible, hein, visage en profil droit, tout à fait remarquable, avec effectivement une face un peu en museau, un peu projetée, mais surtout ces gravures sur les joues qui évoquent des sortes de scarifications ou des décors corporels. Et ce site de la Marche est un site merveilleux parce que non seulement il nous offre un corpus de représentation humaine d'une grande richesse, mais aussi un corpus de représentations animales qui décline quasiment toutes les grandes familles des animaux présents dans l'art préhistorique et cette fois-ci dans un art transportable. Alors bien sûr, il y a cette tête avec ce museau d'animal. On a aussi des sortes presque de caricatures. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous possédez ces plaquettes de la Marche. Oui, le musée de l'Homme possède un certain nombre de plaquettes. Pas toutes, hein. Elles sont assez dispersées. Il y en a beaucoup au musée Sainte-Croix, notamment à Poitiers, au musée de Lussac à Angles également. Et puis, nous avons ici quelques exemplaires. Alors, ce qui les caractérise surtout, c'est les phénomènes de palimpseste. Ce sont souvent des gravures très très fines, quasi illisibles, hein, qui exigent de notre part, pour les lire, les interpréter, les analyser, les relever, etc., beaucoup de travail d'éclairage particulier, d'observation sous la loupe binoculaire, etc. Mais souvent, effectivement, dans le registre figuratif et dans le registre des représentations humaines, les corps sont souvent un petit peu désarticulés ou les têtes sont parfois isolées même. Hein. On a beaucoup de têtes isolées qui ont parfois été interprétées comme des portraits, de véritables portraits, avec des détails particuliers, avec certains décors, des bandeaux retenant les cheveux, etc. Vraiment, ce site de la Marche nous interroge encore et toujours. En tout cas, y a-t-il des variations du centre d'intérêt, bien sûr, graphiques ou symboliques, dans les représentations humaines ? Alors, il y a des véritables nuances. Des nuances parce que finalement, ces représentations ou ces portraits sont à la fois tout à fait singuliers et exceptionnels à la marche, on en a parlé, mais ils ne sont pas non plus complètement uniques. On en retrouve, et notamment dans cet univers magdalénien, dans quelques grottes, on en a au Combarel, on en a même des fois sous des formes très étonnantes et dans des sites moins connus, des sites dont on va rarement parler. Pas très loin de la marche, il y a une toute petite grotte, on est juste à côté d'Argenton-sur-Creuse, une petite grotte, la grotte Blanchard. Dans cette grotte, elle fait quelques mètres, hein, faut pas imaginer les longs réseaux de centaines de mètres, là on rentre et on fait 5 mètres et on arrive au bout de la grotte. Il y a des traces rouges, il y a des tracés entremêlés, il y a une seule représentation figurative, c'est une tête. Et cette tête, il est très difficile de la caractériser. Est-ce qu'elle est animale, est-ce qu'elle est humaine ? On la présente un peu de façon indéterminée. Et finalement, quand on les regarde et quand on les met en perspective avec justement ces profils présents à la marche, on peut se demander s'il n'y a pas un certain voisinage, un certain appareillement, un intérêt que pour commencer à représenter ces têtes justement qu'on a si souvent eu tendance à négliger ou à oublier, notamment par exemple dans la statuaire où les visages, eux, généralement n'apparaissent quasiment pas. Éric Robert, en tout cas, il y a aussi des mains, mais il y a aussi des vulves, mais aussi des sexes féminins, comme celui tout récemment découvert dans la forêt de Fontainebleau. Eh oui, on parle souvent de ces vulves et de ces représentations, et on fera un clin d'œil amical ici à Boris Valentin et à Médard Thierry, parce que c'est tout ce travail autour de que Médard a fait avec Alexandre Quentin aussi dans le programme en cours que dirige Boris, et qui a permis de révéler la vraie nature de cette vulve et de cette représentation. Elle était connue déjà, mais on avait surtout souligné son lien avec la paroi, parce qu'il y a des fissures naturelles dans lesquelles c'est imaginé. Mais il se trouve qu'elle a été d'abord très largement transformée, aménagée, ce qui est déjà tout à fait singulier. L'utilisation des reliefs pour les vulves, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les grottes. Mais dans ce site, en forêt de Fontainebleau, on a cette représentation travaillée, accompagnée de deux chevaux, et dans laquelle il y a en plus une dynamique, non seulement observée, mais recherchée par les groupes préhistoriques avec l'eau et l'utilisation de l'eau pour donner véritablement un caractère très vivant à cette représentation sexuelle. Patrick Payet, évoquons bien sûr les toutes premières représentations d'animaux, ceux donc il y a 40 000 ans, l'Orignacien. Il faut alors se rendre notamment en Allemagne, dans le Bade-Wurtemberg ou dans le Jura Swabe. Oui, cette région du Jura Swabe est une région bénie pour les préhistoriens et notamment les spécialistes d'art préhistorique, puisque dans plusieurs cavités, Vogeler, dans l'Unsteinstadel, Geissenkloster, le Fels, on a découvert une quantité importante de petites statuettes animales ou humaines qui ont été datées en grande partie de l'Orignacien, voire de l'Orignacien ancien, de phase très précoce de la naissance de l'art, donc autour de 38 000, peut-être 40 000 ans. Ce sont des sites vraiment majeurs qui sont actuellement en cours de révision en quelque sorte. Ce sont souvent des fouilles anciennes qui étaient pratiquées dans ces grottes, mais de nouveaux travaux ont lieu de la part de nos collègues allemands sont en train de préciser, si vous voulez, d'étoffer les contextes archéologiques propres à ces représentations. Alors bien sûr, on évoque souvent la tête de lion, ce personnage un peu hybride, moitié lion, moitié peut-être homme. On connaît aussi d'autres lions. En général, à l'émergence de l'art, on s'aperçoit que ces animaux sont des animaux dangereux. Pour ce qui concerne nos territoires européens, à l'Orignacien, effectivement, ces espèces animales supposément dangereuses, et très vraisemblablement dangereuses pour les préhistoriques, pour les communautés, sont effectivement souvent représentées. Le bestiaire orignacien est dominé, en tout cas il est imprégné, par de très nombreuses représentations de félins, de lions des cavernes, d'ours, de rhinocéros laineux, parfois de mammouths. J'en veux pour preuve, par exemple, la grotte Chauvet, qui est contemporaine à peu près de la région du Jura Swabe, les productions du Jura Swabe. Et ces animaux structurent véritablement les compositions pariétales de cette grotte, d'autres grottes également en Europe centrale. Donc les félins sont dangereux, mais ils sont aussi omniprésents. Eric Robert, ensuite tout change, on va avoir une sorte de cortège d'animaux très très différents, notamment le cheval, le bison. Oui, on est face à ces grands herbivores, les chevaux, les bisons. Le cheval, c'est un peu la clé de voûte c'est celui qui porte notamment tout cet art paléolithique, en tout cas pour voilà, les périodes les plus anciennes, parce qu'il faut à chaque fois se replonger dans ces contextes et dans ces environnements. Donc chevaux, bisons, cervidés, le mammouth aussi, déjà dans une moindre mesure, dans des moindres proportions. En fait, on arrive assez vite à des déclinaisons qui vont être accentuées, propres à certains territoires, à certaines périodes. Les biches, par exemple, très présentes dans le nord-ouest de l'Espagne, dans beaucoup de grottes, et qui, au contraire, dès qu'on va passer le nord des Pyrénées, deviennent beaucoup, beaucoup plus rares. Et il y a une vraie singularité, une vraie construction, en fait, de territoires symboliques, quelque part, qui sont déclinés au travers des animaux, comme ils le sont aussi au travers des signes. Justement, Patrick Paillet, le choix des espèces représentées s'avère toujours non représentatif de l'ensemble de la faune. Nous voici donc devant des choix socioculturels. Totalement. La faune, c'est la faune. Ce sont les animaux consommés, les animaux chassés. Le bestiaire, c'est la faune représentée, la faune pensée. Ce sont les animaux pensés, les animaux intégrés dans les récits, dans les symboliques spécifiques à ces groupes. Donc il y a évidemment une différence, pas forcément fondamentale, mais en tout cas une différence quantitative assez marquée entre la diversité de la faune présente dans l'environnement et le propre bestiaire, c'est-à-dire la sélection culturelle, véritablement, de ces animaux représentés. Alors parmi les animaux représentés, vous présentez le petit cheval de Pechmerle. Là, on est vraiment sur un animal totalement pensé. Oui, tout à fait. Alors, petit cheval, pas si petit que ça. Les chevaux du panneau, des chevaux ponctués, sont plutôt des chevaux de belle taille, voire plus grands qu'un cheval naturel. Oui, ce sont des animaux totalement repensés, recréés. Et c'est là où on prend la mesure, et ce, dès les périodes les plus anciennes, bon, Pechmerle, dès le Gravettien, de cette distance qui est prise entre le réel, entre l'animal observé et l'animal véritablement recréé, repensé. Avec une toute petite tête, même si une grande tête est suggérée par une découpe naturelle du relief de la paroi, mais cet animal a une toute petite tête, un corps dilaté, et en fait ne ressemble à un cheval que par certains artifices stylistiques ou certains artifices esthétiques ou graphiques, mais n'a de véritablement du cheval naturel que très très peu de choses. Eric Robert ? Oui, on parle beaucoup de ces animaux, finalement, de ces très grands animaux et de ces très grands herbivores. Mais là aussi, ils ont été capables de faire des choix, c'est qu'ils ont pu représenter, mais de façon beaucoup plus rare, voire unique, le très petit et les insectes. Et il y en a une magnifique qu'on aime beaucoup ici, c'est la sauterelle. Il y a une magnifique sauterelle qui a été retrouvée sur le site d'Enlaine, toujours dans nos Pyrénées qui nous sont si chères avec Patrick. Et cette sauterelle, elle est représentée dans les moindres détails. On a ses pattes, on a ses ailes, on a sa posture. Et elle occupe une petite place comme ça sur un fragment d'os. Elle est toute seule, elle est unique, mais elle occupe une place vraiment particulière. Et elle illustre la très bonne connaissance et véritablement les choix qu'ont fait ces artistes lorsqu'ils ont décidé d'aller représenter notamment un animal comme ça de façon presque sous une forme de clin d'œil. Patrick Paillet ? Même clin d'œil pour une autre représentation que nous présentons, la salamandre. La salamandre de Logerie Basse, façonnée dans un bois de cervidés, un bois de renne vraisemblablement, qui est, je pense, au même titre que la sauterelle dans l'Aisne, qui est représentée de manière unique dans la préhistoire de l'art. On a longtemps cru que l'art était né en Europe. On sait aujourd'hui que cette émergence est totalement mondiale. L'art surgit d'un coup, d'un seul, ou tout au contraire, pensez-vous que l'on puisse voir des balbutiements ? C'est vraiment une question très complexe et très délicate. Parce que précisément aujourd'hui, ce que l'on désigne comme art, en fait, c'est-à-dire ces représentations figuratives, élaborées, composées, lorsqu'elles apparaissent avec toute la maîtrise graphique, expressive, stylistique, tout à fait exceptionnelle. On l'a souligné évidemment pour notamment les fresques de la grotte Chauvet, mais on le voit aussi à travers les peintures des sites de Sulawesi, qui sont aujourd'hui, grâce à des études récentes, a priori, de ce que l'on connaît, les plus anciennes, il y a au moins 45 000 ans. Elles ont été peintes et tracées avec des compositions, avec des représentations. On va retrouver des choses que l'on connaît ailleurs, les mains négatives, mais aussi ces animaux caractéristiques de leurs environnements. Et ça, c'est tout à fait singulier et étonnant. À découvrir donc au Musée de l'Homme, l'exposition « L'art et la préhistoire ». Carbone 14 a été réalisé par Vanessa Nadjar à la technique, Philippe Mercher et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.